Bonsoir. Bienvenue. Les cadeaux. Attention, sarcasse. Touché, cassé, il faut payer. Bonne ambiance, steamboat. Noël. Les cassettes de Noël. Les assiettes. Les trucs. Ampersaline. Dépensez l'argent. Ali. Noël, steamboat. Welcome. Bonsoir.